Praise the Lord. Hallelujah. Today we continue with our message. Heute geht's weiter mit der Predigt. Aujourd'hui, on continue avec le message. We started just on Sunday. Die wir am Sonntag angefangen haben. Que nous avons commencé le dimanche. I just pray that we are able to finish everything today. Amen. Amen. So that we can go to our previous message, which is grace and law. Mm. Amen. Amen. Ich bete, dass wir heute durch werden mit dem Thema von Sonntag, damit wir weitermachen können mit unserem vorherigen Thema, was die Gnade und das Gesetz beinhaltet. Et je prie qu'on va finir avec notre message aujourd'hui pour qu'on continue avec le message qu'on avait avant, qui est la grâce et la foi. A change of name. Eine Namensänderung. Maintenant, parle du changement de nom. We all have a change of name. Wir alle haben eine Namensänderung. Nous tous, nous avons un changement de nom. We now bear his name. Wir haben jetzt seinen Namen angenommen. Et nous, on porte maintenant son nom. The name of Christ is the name we now bear. Wir tragen jetzt den Namen von Jesus Christus. Nous, on porte maintenant le nom de Jésus. And we are so grateful that he gave us his name to bear. Und wir sind so dankbar, dass er uns das Anrecht gegeben hat, seinen Namen zu tragen. Et nous sommes vraiment reconnaissants qu'il nous a donné la chance, la grâce de porter son nom. You can see that it's this name, only this name that Satan cannot do anything with. Mm. Der Name von Jesus Christus ist der einzige Name, den der Teufel nicht antasten kann. Et le nom de Jésus Christ est le seul nom que le diable ne peut pas toucher. All other names belong to him. Alle anderen Namen gehören dem Teufel. Et tout autre nom appartient au diable. Amen. Amen. We thank Jesus for the name. Wir danken Jesus für seinen Namen. Et on remercie l'Éternel pour son nom. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We were in Acts of Apostles on Sunday. We will go there today again. Acts 11, please. Wir waren am Sonntag bei Apostelgeschichte 11 und da machen wir heute weiter. Nous avons lu Actes des Apôtres 11 le dimanche et on va continuer avec ce passage aujourd'hui. Praise the Lord. Hallelujah. Actes 11, verse 26. Apostelgeschichte 11, vers 26. Actes des Apôtres 11, verset 26. Amen. Amen. He said, and when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that the whole year they assembled themselves with the church and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. Praise the Lord. Halleluja. Apostelgeschichte 11, Vers 26. Und als er ihn gefangen hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge lehrten. Und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Actes Apôtres 11, Vers 26. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. The disciples were called Christians. Die Jünger wurden Christen genannt. Les disciples ont été appelés les chrétiens. The disciples are not the sons. Die Jünger und nicht die Söhne. Les disciples et non les fils. Amen. Amen. On Sunday we were here. Am Sonntag waren wir hier. Le dimanche nous étions ici. And we learned a lot. Wir haben vieles gelernt. Et nous avons beaucoup appris. And the Lord still wants us to learn more. Und der Herr will, dass wir noch mehr lernen. Et l'Éternel veut qu'on apprenne, on apprend toujours beaucoup. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. There's a difference between a servant and a son. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Knecht und einem Sohn. Il y a une différence entre un servant et un fils. There's also a difference between a worker and a son. Auch ein Unterschied zwischen einem Arbeiter und einem Sohn. Il y a aussi une différence entre un travailleur et un fils. And there's also a difference between a disciple. And a son. Und zwischen einem Jünger und einem Sohn. Il y a encore une différence entre un disciple et un fils. Amen. Amen. As a disciple, you are being hired. Als ein Jünger wirst du angestellt. Si tu es un disciple, tu es employé. So also as a worker or as a servant, you are being hired. Genauso wie als ein Arbeiter oder ein Knecht wirst du angestellt. Et c'est la même chose aussi avec un travailleur ou bien un servant, tu es employé. Like Jesus said in John 10. Let's go wie to Jesus John 10. Johannes 10 gesagt hat. Comme Jésus a dit dans Jean 10. Praise the Lord. Hallelujah. John 10. Johannes 10. John 10. Proverbs 11. Johannes 10, Vers 11. John 10, Verset 11 à 13. He said, I am the good shepherd. Amen. The good shepherd giveth his life for the sheep. Are you getting something? Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. But he that is an hireling. Douze. You see that? The one you know, if you are being hired. Der Mietling, der eingestellt ist einfach nur. Si tu es un mercenaire, donc une personne qui est employée. And not the shepherd. Und nicht der Hirte. Et pas le berger. Who owns the sheep? Dem die Schafe gehören. À qui les brebis appartiennent. Are you getting it, please? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. I will read again. But he that is an hireling and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth. And the wolf catcheth them, and scattereth the sheep. The hireling fleeth. 13. Amen. Verse 13. Because he is an hireling. And the... A carrot not for the sheep. Praise the Lord. Hallelujah. I am the good shepherd. Verse 14. 14. 14. Mm-hmm. Amen. I am the good shepherd and know my sheep and am known of mine. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We can see that Jesus talked about the hiring. Wir sehen, dass Jesus hier über die Mietling spricht, die Leute, die eingestellt sind, angestellt sind. Et on peut voir dans verset 12, Jésus-Christ parle d'un mercenaire, une personne qui est employée. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. There's a difference between the hired and the shepherd. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Hirten und der Mietling. Et il y a une grande différence entre le mercenaire et le bon berger. There's a difference between the hired and the son. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Mietling und dem Sohn. Il y a une différence entre le mercenaire et le fils. The hired and the shepherd are two different people. Der Mietling und der Hirte sind zwei verschiedene Personen. Le mercenaire et le berger sont deux personnes différentes. When the going get tougher and tougher, harder and harder, the hired will run. Wenn der Weg immer schlimmer und schlimmer wird, werden die Mietlinge rennen. Et quand le chemin devient de plus en plus difficile, on peut voir que le berger reste et puis continue à courir jusqu'à la fin. But the shepherd is unmovable. Aber der Hirte, der ist unbeweglich. Le mercenaire fuit, mais le berger, il reste pour toujours. Amen. Amen. He is forever. Er ist für immer. Il est pour toujours. Amen. Amen. We just read it. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja, das haben wir gerade gelesen. Et on vient de le dire. So also is the disciples and the son. So ist auch mit den Jüngern und den Söhnen. Et c'est la même chose avec les disciples et les fils. Again, verse 13 of John 10. Johannes, Vers 13 von Johannes 10. Encore Jean 10, verset 13. He said, it is a matter of time. The hireling fled. Because he cared not for the sheep. Es ist eine Frage der Zeit, bis der Mietling verschwindet, weil er sich eben nicht um die Schafe kümmert. Et on a écrit dans verset 13 que le mercenaire s'enfuit parce qu'il est, il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Does it remind you of something? Erinnert euch das an etwas? Et est-ce que ça vous rappelle de quelque chose? Amen. It should remind you of somebody or two people. Sollte euch an Jesus erinnern. And Peter. An Jesus und Petrus. Et ça doit vous rappeler de deux personnes, de Jésus-Christ et de Pierre. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Until you are a son, you are not there. Est-ce que mes Söhne sind wir da? Seulement quand tu es un fils, c'est là où tu es arrivé. Amen. Amen. You must be above the disciples. Wir müssen über den Jüngern stehen. Et tu dois être sous le, plus haut que le disciple. Amen. Mm. As a disciple, you are just a servant. Als ein Jünger, bist du einfach ein Knecht, ein Arbeiter. Si tu es un disciple, tu es seulement un travailleur. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let's go to John 21. Johannes 21. Jean 21. Praise the Lord. Hallelujah. John 21. Johannes 21. From verse 15. 15. Jean 21, verse 15. Amen. Amen. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my lambs. 16. 16 says, He said to him again, the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my sheep. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We just read that it's only the good shepherd that is there for the sheep. On a gelesen, dass nur der gute Hirte da ist für die Schafe. On vient de lire que seulement le bon berger est là pour ses brebis. Amen. Amen. Verse 17 says, He said unto him the third time, He said, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, Jesus was actually telling Peter here to become his son. Jesus hat zu Petrus hier gesagt, dass ein Sohn werden soll. Et puis ici on peut voir que Jésus-Christ a dit à Pierre de devenir un fils. Become a son and not remain a disciple. Werde ein Sohn und bleibe nicht ein Jünger. Deviens un fils et ne reste pas un disciple. Because I said a disciple, it is temporary. Can only be temporary with the Lord. Bist du nur zeitlich vom Herrn? Ah, parce que si tu es un disciple, tu es seulement temporaire avec le avec Dieu. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Amen. As a disciple, it is temporary in the house. Als ein Jünger bist du zeitlich im Haus. Et si tu es un disciple, tu restes seulement pour un quelque temps dans la maison. Let's go to John 8, please. Johannes 8. On va lire Jean 8. Praise the Lord. Hallelujah. John 8, verse 35. À 35. Jean 8, verset 35. You see there. Johannes 8, 35. Amen. Amen. So can you help us out? Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Praise the Lord. Hallelujah. And the servant abided not in the house forever. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. And that's why you must be a son. Ich muss ein Sohn sein. A son of God. Ein Sohn Gottes. Verset 35 nous dit qu'on doit être un enfant de Dieu, un fils de Dieu pour rester dans la maison. It is important we see ourselves as sons of God. Es ist wichtig, dass wir uns als Söhne Gottes sehen. C'est très important qu'on se voit comme des fils de Dieu. Stop seeing yourself as a disciple. Hör auf, dich als Jünger zu sehen. Arrête de te voir comme un disciple. Amen. That is son. Aber als ein Sohn. And the servant abided not in the house forever, but the son abided forever. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Again, as a worker, you cannot be in the house forever. Als ein Arbeiter kannst du nicht für immer im Haus sein. Comme un travailleur, tu ne peux pas rester à la maison pour toujours. Nur als ein Sohn bist du beständig da. Seulement étant un fils, tu es permanent dans la maison. And also as a worker, there is no blood connection. Auch als ein Mietling ist keine Blutsverbindung. Étant un travailleur ou bien un disciple, il n'y a pas la connexion avec le sang. Amen. You know, people say blood is thicker than water. It's true. Amen. Because blood is life. Leute sagen, Blut ist dicker als Wasser. Das stimmt, weil Blut Leben ist. Et le monde dit toujours que le sang est plus fort que de l'eau. Et puis c'est vrai parce que dans le sang, il y a aussi la vie. Amen. Amen. Non, c'est ça, bon, there is no blood connection. Also, in Knecht gibt es keine Blutsverbindung. Et étant un servant, il n'y a pas une connexion avec le sang. What makes you a son is the blood. Das, was dich zum Sohn macht, ist das Blut. La chose qui te fait un fils, c'est le sang. That's why the blood of Christ runs through our veins today. Und deswegen fließt das Blut von Christus durch unsere Venen. Et c'est ça pourquoi le sang de Jésus-Christ coule dans notre veine. We are now being born by God and no longer by man. Wir sind jetzt geboren von Gott und nicht mehr durch Menschen. John 1, please. Maintenant, nous sommes nés par Dieu et pas par l'homme. Johannes 1. Jean 1. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. John 1. Johannes 1. Jean 1. From verse 12, please. Johannes 1, verse 12. Jean 1, verset 12. Oh, 11. Let's just read from 11. He came unto his own. Verset 11. And his own received him not. From 11. 11 to 13. Amen. Amen. 11 bis 13. Jean 1, verset 11. He came unto his own. His own received him not. Verse 12. 12. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. Amen. Even to them that believe on his name. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Which we are born not of blood. 13. Nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Means he himself is everything for you. Das heißt, er selbst ist alles für uns. Ça signifie que lui-même, il est tout pour nous. It means his blood now runs through our veins. That's why our blood is a special blood. Sein Blut fließt jetzt durch unsere Adern, deswegen ist sein Blut ein besonderes Blut. Et son sang coule dans nos veins, c'est ça pourquoi notre sang est spécial. Amen. And that's why Satan and his agents can do nothing with our blood. Deswegen kann der Satan seine Knechte können nichts mit unserem Blut anfangen, weil unser Blut das Blut von Christus Jesus ist. C'est ça pourquoi le diable et ses anges ne peuvent faire rien avec notre sang parce que tout est basé sur Jésus-Christ. Please be aware you are a son. Sei dir bitte bewusst, dass du ein Sohn bist. Tu dois être conscient que tu es un fils. Amen. Amen. How you see yourself matters a lot. Wie du dich selbst siehst, ist sehr wichtig. La façon comment tu te vois toi-même, ça compte beaucoup. Believe you are a son and not a I'm not just a disciple. Glaube, dass du ein Sohn bist und nicht einfach nur ein Knecht. Crois que tu es un fils et pas seulement un disciple. You are a son and not just a prophet. Du bist ein Sohn und nicht einfach nur ein Prophet. Tu es un fils et pas seulement un prophète. Amen. Amen. You are a son is greater than any disciple. All disciples put together. Und ein Sohn ist größer als alle Knechte zusammen. Parce qu'un fils est plus grand que tous les disciples mis ensemble. A son is greater than all the prophets put together. No matter how many they are. Propheten zusammen, egal wie viele sie sind. Et n'importe combien ils sont, un fils est toujours plus grand que des prophètes. Oui, tous les prophètes ensemble. Amen. Amen. Just like Christ's blood, God's blood is greater than all the blood of all human beings all over the world. Genauso wie das Blut von Gott größer ist als jegliches anderes Blut. Comme aussi que le sang de Dieu est plus grand et plus puissant que le sang d'un homme. Amen. Amen. To know how you are, you know, a lot of us are even walking. Amen. We are walking. We go to work. Mm-hmm. Imagine yourself working for somebody that just employed you. And that person have a son. And you work together. You can see the difference. Amen. Mm-hmm. Between you and that very son of your boss. Mm-hmm. Stell dir mal vor, wenn dein Arbeitskollege der Sohn von deinem Chef wäre. Er würde ganz anders arbeiten, mit einer ganz anderen Einstellung, mit einem ganz anderen Gefühl, als die anderen Leute, die nicht mit deinem Chef verwandt sind. Il y a beaucoup de gens qui, oui, ici dans l'église, qui travaillent. Imagine-toi que toi-même, tu travailles pour ton chef, tu es employé, puis tu travailles aussi avec le fils de ton chef. Tu vas voir clairement une différence entre toi et le fils de ton chef. Amen. Amen. You see the confidence in that son. Du siehst diese No fear at all. No panic. Amen. Amen. No worries at all. Amen. You know when sharing, when boss is coming. You know it's as if it's as if you know the Almighty God is coming. to some place I've walked before. I know what it is. Mm-hmm. When they are saying, oh, the upper chef, the head of the owner of the company is coming, everywhere they are sitting tight. Amen. Mm-hmm. You know, you know the song we just read. It's my father. We live together. The manager. What belongs to him belongs to me. Mm-hmm. Are you getting it? The managers are all of them. They are running shaking. From one place. They are shaking because they are being hired. Mm-hmm. Ja, selbstbewusst und mutig redet dieser Mitarbeiter von dir auch, weil er weiß, sein Arbeitsplatz ist ihm sicher sozusagen, weil er verwandt ist mit dem Chef und er und ihm ein gutes Verhältnis hat. Er hat keine Angst und er macht sich keine Sorgen. Aber andere Leute, wir kennen das aus der Arbeitswelt selbst, wo sobald der Chef auf einmal auftaucht, der Eigentümer der Firma, das auf einmal alles stehen muss, alles muss super sein, alles muss top sein, Leute sind panisch, sind nervös und wollen, dass alles perfekt ist. Aber dieser Sohn, der verwandt ist, der denkt sich, ey, ich kenne ihn auch schon von zu Hause, deswegen ist alles gut. Et encore, on peut voir clairement qu'il y a une différence entre le fils du chef et une personne qui est employée seulement comme ça. Parce que si, par exemple, la tête de l'entreprise, donc le chef arrive, tout le monde aura peur, tout le monde va être mal à l'aise, tout le monde va... Oui, essayer d'arranger toutes les choses, mais le fils, il est vraiment courageux, il n'a pas peur, il est vraiment à l'aise. Et c'est comme ça aussi comment on doit être avec quand il s'agit du Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Back to John 21, please. Johannes 21. Jean 21. Where Jesus said to Peter, feed my sheep, feed my sheep. Wo Jesus zu Petrus sagt, füttere meine Schafe, füttere meine Schafe, füttere meine Schafe. Maintenant, rentre à Jean 21, Jésus Christ a dit à Pierre, nourris mes brebis, nourris mes brebis, nourris mes brebis. Amen. Become a son. Amen. If not, it's a matter of time, you are out. Sonst ist eine Frage der Zeit. Du bist raus, du wirst nicht bleiben können. Et si Jésus Christ lui dit que tu dois devenir un fils et arrêter d'être un disciple, sinon ça sera seulement une question de temps jusqu'à ce que tu quittes. As the going get tough and tough and tough. Le weg immer härter und härter. Harder and harder. Es immer schwerer und schwerer wird. Surtout quand le chemin devient de plus en plus difficile. If you read verse 18 here, you know it talked about young and age, young and old. Amen. Young and old. Geht's um jung und alt? Donc verset 18, il s'agit de jeune et de âgé. Amen. Just talking about the beginning. Es geht um den Anfang. And as time goes on, that things get harder and harder. Und wenn die Dinge immer schwerer und schwerer werden. Quand les choses deviennent de plus en plus difficiles. Amen. It has nothing to do with age. Es hat nichts mit dem Alter zu tun. Ça n'a rien à voir avec l'âge. It has everything to do with situation. Aber alles mit der Situation. How people change. Die Leute sich verändern. Mais ça a tout à voir avec des situations, la façon comment les gens changent. I ignore Christ. Und Christus auf einmal nach und nach ignorieren. Et comment l'homme commence à ignorer le Christ. Verse 18, please. 18. Merci 18. It's a verily, verily, I say unto thee, when thou wast young, thou gathered thyself and walked without thou wouldest. But when thou shalt be old, is somebody getting it? Mm-hmm. Thou shalt stretch forth your hands, and another shall gild thee, and carry thee without thou wouldest not. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Until you are a son. It's my Sohn, but. Amen. Mm-hmm. Same country and fist. Situation will take you away from him. Werden Situation dich von ihm wegnehmen. Si tu es un fils, les situations ne peuvent pas te séparer du Christ. Amen. And to be, he's telling him, be a son and let it be forever. Er sagt, sei ein Sohn und lass zu, dass es für immer so ist. C'est ça pourquoi Jésus dit, deviens un fils et puis tu dois permettre que ça soit pour toujours. Amen. When you were young, you take decisions by yourself. Amen. And now you are old, you know, teens, you know, so people will not take decision for you. Mm-hmm. Amen. And you know, when teens are so easy, mm-hmm. At the beginning, you know, when you carry a load and you are walking, the journey, mm-hmm. It looks so easy, sounds so easy, but as time goes on, the load is heavy. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. It's getting heavier and heavier and heavier. Am Anfang, wenn du etwas trägst, ist es noch leicht und es geht noch. Aber irgendwann, wenn die Reise immer länger und länger wird, der Weg immer länger und länger wird, dann wird die Last immer schwerer und schwerer für dich. Et si Jésus-Christ dit à Pierre qu'avant, quand il était encore jeune, Pierre prenait ses propres décisions, mais quand il est devenu vieux, les autres prenaient les décisions pour lui. Et ici, ça ne parle pas de l'âge, mais des situations. Donc, si par exemple tu commences ta relation avec Jésus-Christ au commencement, tout est plus facile. Mais après, quand tu as des charges, mais après, ça devient de plus en plus difficile. Et c'est aussi comparable avec quand tu portes une charge. Au commencement, c'est toujours facile, mais de temps en temps, ça devient toujours dur. Amen. Amen. And as it gets heavier, people are going to take, you know, have their own opinion to tell you what to do. Why don't you drop it? Why don't you just do it the other way? Are you getting it? Umso schwerer es wird, umso mehr Meinungen kommen rein, die dann versuchen, dir Ratschläge zu geben, es entweder sein zu lassen oder es auf eine andere Weise zu tun. Et toujours quand ça devient de plus en plus difficile, on peut voir comment les gens ont maintenant leurs propres opinions, leurs propres conseils à te donner. Amen. Mm-hmm. It is not that you don't know what to do. You know what to do, but the load is heavy. Mm-hmm. Amen. But don't take your focus away from me. That's what Jesus is saying. Mm-hmm. Allow it to be me forever. Mm-hmm. Amen. Es ist nicht so, als ob du nicht wüsstest, was zu tun ist. Du weißt, was zu tun ist, aber diese Last wird schwer, aber der Herr sagt, lass zu, dass ich das für dich tue. Mm-hmm. Et oui, dans la situation, ce n'est pas que tu ne sais pas quoi faire, tu sais quoi faire, qui choisir, mais le problème est toujours le charge, mais quand tu as ces charges que tu portes, tu dois permettre que ta concentration est sur Jésus-Christ et puis qu'il soit sur la personne qui porte le charge pour toi. It is only as a true son of God. Amen. It's the true son of the only true God. That you can, that, you know, you can't be permanent with me. Nur als ein wahrer Sohn Gottes kannst du beständig bei dem Herrn bleiben. Seulement étant un vrai fils de Dieu, c'est là où tu peux rester permanent avec moi, avec Jésus-Christ. No old age can change it. Kein Alter kann das ändern. Et aucun âge peut le changer. No situation can change it. Keine Situation kann das ändern. Aucune situation peut le changer. No problem at all can change it. Kein Problem kann das ändern. Et aucun problème peut le changer. No matter how hard they are. Egal wie hart das ist. N'importe comment c'est difficile. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. Concerning the name. In dem Namen. Concernant le nom. Amen. A name is a word. Once you give birth to a child, the first thing you do is giving that child a name. Ein Name ist ein Wort und dieser Name ist das erste, was du einer Person gibst, sobald sie geboren worden ist. On doit savoir que un nom est toujours une parole. Donc, quand une personne est née dans ce monde, la première chose que on fait, c'est lui donner un nom. A word is not just a word. Ein Wort ist nicht einfach nur ein Wort. Une parole est pas seulement une parole. Amen. Words are not just words. Worte sind nicht einfach nur Worte. Les paroles sont jamais seulement des paroles. Are you getting it? Amen. Whatever comes out from your mouth means a lot. Means was immer aus deinem Mund rauskommt, bedeutet etwas. N'importe quelle chose qui sort de ta bouche, ça compte toujours, ça signifie quelque chose. That you don't understand it does not mean they don't mean something. Und dass du es nicht verstehst, bedeutet nicht, dass es nicht etwas bedeutet. Et c'est même parce que tu ne comprends pas, ça signifie pas que ça ne signifie pas quelque chose. Amen. Mm. Let's go to Matthew 12, please. Matthew 12. Matthew 12. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 12. Matthäus 12. Matthew 12. Vers 37. Verset 37. He said, for by your words thou shalt be justified, and by your words thou shalt be condemned. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Words are not just words. Worte sind nicht einfach nur Worte. Les paroles sont jamais seulement les paroles. Including names. Auch Namen. Et même inclus avec le nom. Look at it. Mm. Including names. Auch Namen. Même le nom. Amen. Mm. Again, every word have meaning. Jedes Wort hat eine Bedeutung, auch ein Name. Chaque parole a une signification et même aussi les noms. Everything starts with name. Alles fängt mit einem Namen an. Et tout commence avec un nom. Through name you know things. Durch Namen erkennst, weißt du Dinge. À travers le nom tu connais des choses. Even God. Auch Gott. Et même Dieu. Amen. Mm. God is a name. Gott ist ein Name. Dieu est un nom. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Amen. Amen. The only true God. Amen. He has a lot of names. Hat verschiedene Namen. Le seul vrai Dieu a des noms différents. Amen. Jehovah Jireh, the Lord my provider. Der Herr mein Versorger, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, Dieu mon fournisseur. Amen. Jehovah Nissi, Jehovah Shaddai, Elohim, Yahweh. Amen. Shalom, God of peace. Amen. Shalom, Gott, der Gott des Friedens, der Herr hat viele verschiedene Namen. El Shaddai, Yahweh, Shalom, le Dieu de la paix. Donc Dieu a beaucoup de noms différents. Amen. Mm. Like Pastor Kola's church, Adonai. Amen. It's the name of God. Mm. Amen. So it should be Adonai Christ ministry, not Christian. Und genauso wie die Gemeinde von Pastor Koller, seine Christ, Gemeinde hat Adonai Gemeinde, auch ein Name Gottes. Aber es sollte Adonai Christus heißen, weil Adonai Christen, wir sind keine Christen, wir sind Jesus Christus, wir sind seine Kinder. Et comme par exemple l'église du pasteur Kola, par exemple, son église est appelée Adonai chrétien, donc église chrétienne. Mais ça, c'est pas correct. Normalement, il fallait qu'il appelle son église Adonai le Christ. Parce Amen. Que nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes des fils de Dieu. Amen. That's what the Holy Spirit told me. Amen. C'est ce qu'il m'a gesagt hat. Et c'est ça ce que le Saint-Esprit m'a dit. Names all have meaning. Names have meaning. They are not just names. Names mean a lot. Namen bedeuten einiges. Donc ça montre que les noms ne sont jamais seulement des noms. Ils ont des significations. Amen. Christianity has a name. Das Christentum hat seinen Namen. Le christianisme Satan has been so successful with it. Der Satan ist so erfolgreich damit gewesen. Le diable a été vraiment il a vraiment reçu bon oui il a fait un bon travail, il a reçu vraiment avec son œuvre. Amen. Through it, the so-called God children see themselves as a member of denomination of one or another. Die Kinder Gottes sehen sich als eine ein Teil einer Lehre. Through it. Durch diesen Begriff Christus Christen. Et à travers le christianisme, il y a beaucoup de croyants qui se voient comme des membres d'une dénomination. Amen. They see themselves as members of a church and not a citizen of the kingdom of heaven. Sie sehen sich als Mitglieder einer Gemeinde, aber nicht als Bürger des Himmels, des Königreichs. Les gens se voient comme des membres d'une église et jamais comme des fils ou bien des citoyens du royaume des cieux. Churches are kingdom of heaven. Kirchen sind Königreiche des Himmels. Les églises sont des royaumes des cieux. Church supposed to be a kingdom of heaven. Die Kirche sollte sollte das Königreich des Himmels sein. Une église devait être un royaume des cieux, le royaume des cieux. Amen. Anytime you mention church or you think of church, you are thinking of the kingdom of heaven. That's what it's supposed to be. Mm. But it's not today. You are thinking of a club and not the kingdom of heaven. Wenn du über Kirche nachdenkst, solltest du eigentlich über das Königreich von Christus nachdenken. Aber auch wenn du über Kirche nachdenkst, denkst du eher an einen Verein. Mm. Et normalement, quand tu parles ou tu penses d'une église, tu dois penser du royaume des cieux. Mais de nos jours, quand tu parles d'une église, tu penses toujours d'une association. Amen. Mm. to that evil name, Christian. Bösartigen Namen. À cause, oui, du nom mauvais de christianisme. Christianisme. Amen. Mm-hmm. Churches has been seen as club today. Even here in Deutschland. Gesehen, see it as club. Et les églises sont devenues comme des clubs, même ici en, en Allemagne. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. A kingdom of heaven is a country. Das Königreich des Himmels ist ein Land. Le royaume des cieux est un pays. Amen. That is here on earth does not mean it's not a country. Das ist hier auf Erden, das heißt nicht, dass es nicht ein Land ist. Seulement parce que le royaume des cieux ne se trouve pas ici sur terre, ça ne signifie pas que c'est pas un pays. Praise the Lord. Amen. Amen. We belong to a place. Wir gehören zu einem Ort. Et nous appartions à un endroit. Called heaven. Der Himmel nennt. Der Himmel heißt. Nous appartenons à un endroit où il s'est appelé le royaume des cieux. Amen. Anytime church is mentioned, heaven should always come in. Ja, supposed to always come in. Kirche gesagt wird, sollte eigentlich der Himmel da mit einbezogen sein. Et toujours quand on parle d'une église, le ciel doit être connecté à cette église. You know, when God is mentioned, anytime God is mentioned, you know something, some people will just know that we are talking about another place. Are you getting it? And that is how church is supposed to even be. That we are talking about a special place that is greater than here on earth. Sobald man den Begriff Gott sagt, denkt man an etwas Himmlisches, etwas Übernatürliches, was nicht irdisch ist. Aber genauso sollte man eigentlich auch über diese Dinge nachdenken, wenn man über Kirche spricht. Aber leider ist das heutzutage nicht so. Quand on parle de Dieu, on pense toujours des choses célestes parce que Dieu est vraiment merveilleux. Mais quand tu parles d'une église, les gens pensent toujours des choses terrestres. Amen. We are here on earth. Isn't here that are of another world, another country. Aber wir gehören zu einer anderen Welt, zu einem anderen Land. Nous sommes ici sur ici dans ce monde, mais on appartenant un autre pays. Amen. Mm-hmm. Just like Jesus said in John 17, verse 15 and 16. Please go there. Mm-hmm. Genauso wie Jesus gesagt hat in Johannes 17, 15 and 16. 15 und 16. Comme Jésus-Christ a dit dans Jean 17, verset 15 et 16. Mm-hmm. Praise the Lord. Alléluia. 15 and 16, sorry. 15 and 16. John 17, 15 and 16. Mm-hmm. I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil. Amen. Amen. They are not of the world, even as I am not of the world. Are you getting it? Mm-hmm. Jesus is saying here that we are not different from him. Jesus Verse 16. Dans verset 16, so Jésus-Christ nous dit que nous ne sommes pas différents de lui. Is somebody getting something here? He's saying we are not different from him. He is not different from us. Il nous dit que nous ne sommes pas différents de lui, puis lui n'est pas différent de nous. Again, they are not of the world, even as I am not of the world. Simple. So simple. Hm. Praise the Lord. Er sagt ganz klar, sie sind nicht von der Welt, genauso wie ich nicht von der Welt bin. Ganz einfach. Verset 16, il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. C'est vraiment facile. We are not different from him. Wir sind nicht anders als er. Nous sommes pas différents de lui. And we should never see ourselves different from him, no matter what. Und wir sollten uns niemals anders als er sehen, egal was ist. Et on ne doit jamais se voir différent de lui dans n'importe quelle situation. See yourself as a Christian, you will never rise to the level the Lord wants you to be. The level of a son. Wenn ich als Christ siehst, wirst du niemals auf der Ebene sein, wo der Herr dich haben will, nämlich die Ebene eines Sohnes. Et si tu te vois toujours comme un chrétien, là, tu ne vas jamais arriver à la position où Dieu veut t'avoir. Mais cette position, c'est d'être un fils de Dieu. Amen. See yourself as a citizen of heaven. Sieh dich selbst als ein Bürger des Himmels. Tu dois te voir toi-même comme un citoyen du royaume des cieux. Believe you are here, but not from here. Glaube, dass du hier bist, aber nicht von hier. Tu dois croire que tu es ici, mais pas d'ici. Amen. That is what Christ himself, Jesus Christ himself, believed when he was here. Das, was Christus and that was how he was able to achieve what his father planned for him. Und so war er in der Lage, das zu, umzusetzen, was sein Vater für ihn geplant hat. Et la chose que je viens de dire, c'était la même chose que Jésus-Christ croyait quand il était ici sur terre. Et c'est ça pourquoi il a été capable d'accomplir les œuvres de son Père. Sprüche 23. On va lire Proverbe 23. Praise the Lord. Amen. Amen. Proverbe 23, vers 7. Sprüche 23, vers 7. Proverbe 23, verset 7. For as he thinketh in his heart, so he is. Praise the Lord. Amen. What do you think in your heart? Denn wie er in seiner Seele berechnet denkt, so ist er. Wie denkst du? Verset 7, car il est comme les pensées de son âme. Donc la question est, comment tu penses? Are you getting it? How do you know, what do you call yourself? Wie nennst du dich? Et comment tu t'appelles toi-même? Who do you believe you are? Für wen hältst du dich? Was glaubst du von dir? Tu te vois comme qui? Qu'est-ce que tu crois de toi-même? Which of the kingdom do you belong? Zu welchem Königreich gehörst du? Tu appartiens à quel royaume? Amen. Is it the kingdom of this world or the kingdom of heaven? Ist das Königreich dieser Welt oder das Königreich des Himmels? Est-ce que c'est le royaume de ceux ou le royaume de ce monde? As a man thinketh in his heart, so he is. So wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er auch. Car il est comme les pensées de son âme. Amen. As a Christian, it is the motion. Als ein Christ, wenn du dich als Christ bezeichnest, dann stufst du dich herab. Si tu te vois comme un chrétien, tu te vois comme tu te rabaisse. Amen. As you see yourself as a member of a church and not, you know, a member of a club, a church, and not a citizen of the kingdom of heaven. Du siehst dich dann eher als ein Vereinsmitglied, aber nicht als ein Bürger des Himmels, des Königreiches. Et tu te vois comme un membre d'une église et pas comme un citoyen du royaume des cieux. Amen. The Holy Spirit is always there for those that belong, that are sons of God. Der Heilige Geist ist immer da für die Leute, die Söhne Gottes sind. Et le Saint-Esprit est seulement là pour les fils de Dieu. Until you are a son, you will never hear his voice. Erst wenn du ein Sohn bist, dann hörst du auch seine Stimme. Jusqu'à ce que tu aies un fils, tu ne vas pas écouter sa voix. Until you are a son, you will not know how he speaks. Wenn du ein Sohn bist, dann wirst du auch wissen, wie er spricht. Et si tu as un fils, tu vas savoir comment Dieu parle. Have you know, he said, my sheep hear my voice. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Are you getting something? Amen. Jésus-Christ a dit, mes brebis entendent ma voix. Praise the Lord. Hallelujah. Allow the Holy Spirit to change you. Lass zu, dass der Heilige Geist dich ändert. Permet que le Saint-Esprit te change. Amen. Coming to Christ, there is always a change. Wenn du zu Christus kommst, ist immer eine Veränderung. Et quand tu viens vers le Christ, il y a toujours un changement. Amen. You must allow Christ to change you. Du musst zulassen, dass Christus dich verändert. Tu dois permettre que le Christ te change. You can never remain the same coming to him. Du kannst niemals gleich bleiben, wenn du zu ihm kommst. Et quand tu viens chez le Christ, tu peux jamais rester la même personne. Amen. Matthew 4, verse 17. Matthew 4, verse 17. Matthew 4, verse 17. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 17. At the beginning of Jesus' ministry. Am Anfang von an der Gemeinde von Jesus Christus. Au commencement du ministère de Jésus Christ. Amen. Introduce the kingdom. Er hat das Königreich des Himmels uns vorgestellt. Il nous a introduit le royaume des cieux. Praise the Lord. Hallelujah. He did not introduce Christianity. Er hat das Christentum vorgestellt. Das Königreich des Himmels, ein Land. Il nous a pas introduit la religion. Mais le royaume des cieux qui est un pays. Amen. Amen. He did not introduce a club. Er hat nicht einen Verein vorgestellt. Il nous a pas révélé une association. Amen. Amen. Amen. A club belongs to this world. Ein Verein gehört zu dieser Welt. Et une association appartient à ce monde. A club is of this world. Ein Verein gehört zu dieser Welt. Et un club appartient aussi dans ce Jesus monde. Said we are not of this world. Aber Jesus sagt, wir sind nicht von are dieser you Welt. Getting it? Et le Christ nous dit que nous ne sommes pas de ce monde. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 17, please. 17. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Another kingdom, another country, another religion is at hand. Ein neues Königreich, ein anderes Land, nicht eine neue Religion ist jetzt da. Il nous a dit que un nouveau royaume est arrivé et pas une nouvelle religion. Amen. I'm also learning to change. Und ich lerne auch zu ändern. Et même moi j'apprends aussi de me changer. It must be Christ alone. Denn es muss Christus alleine Amen. Sein. Il doit seulement s'agir du Christ. And we must allow the Holy Ghost to change us. Wir müssen zulassen, dass der Heilige Geist uns ändert. Et on doit permettre que le Saint-Esprit nous change. A change from religion to Christ. Eine Veränderung von Religion zu Christus. Un changement de la religion au Christ. A change from Christianity to believers. Eine Veränderung von Christentum zu Gläubigen. Un changement des chrétiens aux croyants. Marcus 16. Praise the Lord. Marcus 16. Marcus 16. From verse 15. Verse 15. À partir de verse 15. Amen. You know, here Jesus was preparing to go. Jesus hat sich vorbereitet zu gehen. Ici, Jésus-Christ s'est préparé de quitter ce monde. Amen. Amen. And he said unto them, go ye into all the world. Can't. And preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be damned. Verse 17. 17. He said, and this sign shall follow them that believe. You can see, believe, believers. Die Gläubigen. Not a Christian. Mm-hmm. Believers. Die Gläubigen, nicht die Christen. Mm-hmm. Donc, verset 17 nous montre qu'il s'agit des croyants et pas des chrétiens. In my name, and not just a name. Amen. Mm-hmm. In, not in another name. In my name. In meinem Namen, nicht in einem anderen Namen. Mm-hmm. Et ici, Jésus-Christ nous dit que la personne qui croit en son nom, donc il s'agit seulement du nom du Christ. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. Mm-hmm. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Yeah. He called us believers before he left here. Before he gang us. Et avant avoir quitté le monde, il nous a appelé des croyants. Amen. Yeah. If you are preparing to live here, amen. What you are going, the last thing you are going to tell your children is so important. Wenn du dich verabschiedest, ist das Letzte, was du deinen Kindern sagst, sehr wichtig. Et quand tu te prépares de quitter ce monde, la dernière chose que tu dis à tes enfants, c'est vraiment très important. Amen. Your words are very important. Deine Worte sind sehr wichtig. Tes paroles sont vraiment importantes. You can see what he said. Believers. Et c'est ce qu'il a gesagt hat. Gläubige. Et on peut voir ce qu'il nous a dit ici. Il a toujours dit le croyant. On doit croire le croyant. Amen. Mm. And in Luke 10, verse 20, Lucas the Bible 10, says we 20. Have our names written in heaven. Amen. Steht, dass unsere Namen im Himmel geschrieben stehen. Et dans Matthäus. Luke 10. Et dans Luke 10, on a écrit. Verse 20. Jésus-Christ nous dit que nos noms sont écrits au royaume de ceux aux cieux. Amen. Verse 20. Luke 10, verse 20. He said, notwithstanding this, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names Amen. Your names are written in heaven. Eure Namen geschrieben sind im Himmel. Vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. We have our names written in heaven. Unsere Namen stehen im Himmel geschrieben. Nous avons nos noms écrits au as believers and not as Christians. Als Gläubige und nicht als Christen. Étant des croyants, pas étant des chrétiens. Believers in Christ Jesus. Als Gläubige in Christus Jesus. Les croyants en Jésus-Christ. Amen. Amen. And this will also help you to know that names are very important. Und das hilft euch auch zu erkennen, dass Namen sehr wichtig sind. Et ça va t'aider à comprendre que les noms sont vraiment importants. This will also help you to know that he sees names. Das hilft uns auch zu erkennen, dass Jesus Christus Namen erachtet. Er sieht Namen. Et ça nous aide aussi à comprendre que Jésus-Christ il considère des noms, il voit des noms. He also hears names. Er hört Namen. Il entend, il écoute les noms. He knows us by our names. Er kennt uns durch unsere Namen. John 10. Go to John 10 again, please. Johannes 10. Et le Christ, il nous connaît à travers le nom. Praise the Lord. Mm-hmm. And that's why we don't just answer any name. Deswegen nennen wir uns irgendwie. C'est ça pourquoi nous ne répondons pas à n'importe quel nom. Praise the Lord. John 10. Jean 10. From verse 5, from verse 1 to 5. 1 bis 5. Jean 10, verset 1 à 5. He said, verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. Verse 3. To him the porter openeth, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name. Praise the Lord. Hallelujah. And leadeth them out. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. We know the voice of our Father. Nous, on connaît la voix de notre Père. He knows our voice and we know his voice. Nous, on connaît sa voix et lui connaît aussi nos voix. Amen. And that's why when people are speaking, we know who is speaking. Wenn Leute sprechen, wissen wir, wer spricht. C'est ça pourquoi quand l'homme parle, on sait qui parle. Amen. No matter how you paint it with Christ Jesus, you know who is speaking. It's either Christ or Satan. Wir wissen, wer spricht. Entweder es ist Christus oder Satan. N'importe comment tu veux le couvrir avec le nom du Christ, on va savoir si tu parles à travers le Christ ou à travers le diable. Amen. He said in verse 5, and a stranger we dare not follow, but we flee from him, for they know not the voice of strangers. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Name should never be just name. Name sollte niemals auch nur Name for sein. Us. Amen. Et pour nous les enfants de Dieu, les noms sont jamais seulement des noms. Amen. Jesus, you know the Lord, God Almighty, he changed Abraham to Abraham. Amen. Sarah to Sarah. Jacob to Israel. Are you getting something? Gott hat auch Namen schon im alten Bündnis geändert. Von Abraham zu Abraham oder von Sarai zu Sarah oder von Jacob zu Israel. Et même dans l'Ancien Testament, Dieu a toujours changé les noms même de ses servants, même pas de ses fils. Et il a changé le nom d'Abraham à Abraham, ou bien le nom de Sarai, c'est devenu le nom Sarah, ou bien Jacob est devenu Israël. Amen. Amen. Saul to Paul. Von Saulus zu Paulus. Saül est devenu Paul. Simon to Cephas. Von Simon zu Cephas. Simon est devenu Cephas dans Pierre. Amen. We should not be ashamed to change names. Wir sollten uns nicht schämen, Namen zu ändern. On ne doit pas avoir honte de changer nos noms. Amen. Paul was not ashamed to change. Paulus hat sich nicht geschämt, sich zu ändern. Et Paul n'avait pas honte de changer. Remember when he thought he was doing good. Erinnert euch daran, als er gedacht hat, dass er Gutes tut. Er stand daneben, als Stephanus gesteinigt wurde. Et on peut voir comment Paul, donc Saül avant, il pensait qu'il fait, il fait la bonne chose. Il était même sur place quand Étienne était lapidé. Amen. Don't allow the name that the Lord did not give you, that is not connected to Christ. Don't allow people to call you that name. Lass nicht zu, dass Leute dich dir einen Namen geben, den nicht mit Christus verbunden hast. Et ne permet pas que les gens te donnent des noms qui ou bien un nom qui est pas connecté à mon Christ. Praise the Lord. We don't have time to go into all the, you know, the change of name one after the other. But let's go to just two. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In Genesis 32. In 1. Mose let's go to Genesis 32. Genesis 32. Praise the Lord. Amen. Amen. 32. Genesis 32. 1. Mose 32. Genesis 32. Verse 24 to 24. 30. Verse 24 to 30. Or 28. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Come verse 24, please. Verse 24. And Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. Amen. In der deutschen Version ist es Vers 25. Vers 25. Vers 25. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint, as he wrestled with him, he wrestled with an angel. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Then verse 26. Verse 6. And he said, "Let me go, for the day breaketh." And he said, "I will not let thee go, except thou bless me." Praise the Lord. Amen. Verse 27. 27. Verse 27. And he said unto him, "What is your name?" And he said, "Jacob." And he said, verse 28. "Your name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed." Praise the Lord. Somebody wrestled with angel, and he won. And his name was changed to Israel. Let's go to Genesis 35. Genesis 35. Mm-hmm. Genesis 32. Verse 10. Praise the Lord. Amen. And God said unto him, "Your name is Jacob. Your name shall not be called any more Jacob, but Israel shall be your name." And he called his name Israel. Praise the Lord. Genèse 32, verset 10. Mommy, can you please repeat the verse again? Genesis 35, verse 10. 1. Mose 35, 10. Genèse 35, verset 10. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to John 1, please. Johannes 1. Maintenant, Jean 1. John 1. Praise the Lord. Praise that very place, you can read it as your homework. Amen. Genesis 35, so that you understand the story. Amen. Let me say Genesis 32, please. Amen. 1. Mose 32. Genèse 32 et 35 et notre devoir. Praise the Lord. Amen. John 1. Johannes 1. Jean 1. Verse 42. 42. Verset 42. And he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, "Thou art Simon, the son of Jonah. Thou shalt be called Cephas." Praise.